listening to Overdrive on Radio Dio. Yes, salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes, enfin plutôt 60 minutes ce soir, dans Overdrive pour de la musique qui pulse, comme dirait Gérard de Pop Dreams. En ouverture, King Diamond et son No Presents for Christmas, extrait ici du Dark Sides, des B-Sides. Paru sur une réédition de 2020 sur Metal Blade Records. On démarre Overdrive avec un album en public de Blue Oyster Cult, donc le troisième album paru sur le label Frontiers Records. Encore une fois, un double disque. Les amateurs du cult devraient vraiment se régaler pour les 50e anniversaire de ce groupe mythique américain de occult prog rock. Ce sera 50th Anniversary Live Third Night. Et j'ai décidé non pas de passer à un classique ce soir du groupe, mais plutôt un morceau récent qui est vraiment excellent, qui s'appelle The Alchemist par Blue Oyster Cult. Greater age than life. walls where he chanced upon a room. And there he found his enemy, the man who cheated death. And I said, with my last breath, it was I, the alchemist, creator of your fears. It was I, the sorcerer. Minutes 30 qui passent vraiment comme une lettre à la poste sur ce The Alchemist, extrait du dernier album live de Blue Oyster Cult. C'était sur cet album 50th Anniversary Live Third Night, paru sur le label Frontiers Record. Et on continue maintenant avec du gros son et le dernier album du guitariste de Alter Bridge, j'ai bien sûr nommé Tremonti. Ça s'appelle The End Will Show Us How, un nouvel album du roi du riff, qui est également très bon chanteur, que ce Tremonti, qu'on envoie tout de suite dans Overdrive Radio Duo. We'll be right back. venez d'entendre le groupe Fire Action avec ce morceau No Drone Zone, qu'on va enchaîner tout de suite avec quelque chose d'un peu plus trashy et des Allemands de Sodom. Sodom qui nous reviennent avec cette réédition de leur album de 92, il me semble, c'était Tapping Heaven Vain, dans une édition super deluxe et expanded. Donc on retrouve un programme des plus complets, puisque outre l'album en version remaster 2024, on retrouve des phase B, on retrouve également pas mal de live, dont un live à Cologne en 1992, ainsi qu'un live à Tokyo et un autre enregistré à Düsseldorf, pour un total de 58 morceaux tout de même. Ça fait quand même un joli petit panier pour les amateurs de trash à l'allemande. Pour l'occasion, on va se passer un extrait donc de ce Tapping the Vein avec l'album original et le morceau One Step Over the Line, par cet album qui se veut être un peu l'album, les puristes du groupe, le plus death metal de la formation. Sodom tout de suite, One Step Over the Line sur Radio Duo. Desire. One venez d'entendre ce morceau Ablaze, sorti sur le label MNO Music. Maintenant, avec Listenable Records, Ali Fron sur cet album Anatomy of Darkness et le morceau The Silent Escape tout de suite. Pour les amateurs de Death Black Metal Symphonie. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre Primal Cold, extrait de cet album Opaque Fixation qui voit le jour sur Relapse Records pour du death metal à l'ancienne ici. On continue avec les Français de Alta Rosa qui nous font une mixture de sludge post-metal et qui nous sortent ce Defiant Cure sur le label source Atone Records. Ça ne transpire pas vraiment la joie de vivre ici, néanmoins pour les amateurs d'ambiance poisseuse et violente dans lesquelles on retrouve parfois une touche d'espoir, ce sera Defiant Cure et le morceau Delusion tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Defiant Cure, dernier album de Alta Rosa, avec le morceau Delusion tout de suite. On continue vers des terres nordiques avec Varif Catalfac qui sort sur Season of Mist. Ce sera le morceau Vasgia. Tout de suite, je n'ai aucune idée de savoir si ça se prononce comme ça. Néanmoins, la musique est bonne et c'est le plus important. 22h52, vous êtes toujours à l'écoute d'Overdrive. Az acélöntvény anyaga öntött acél, amely általában 2%-nál kisebb széntartalmú, öntvénygyártására szolgáló, vas szén alapú ötvözet. Az acélöntvény és öntött acél jelölése GE, amely betűjel az anyagminőség jelében mindig szerepel, a szilárdsági jellemzőkre vagy a vegyi összetételre utaló más számokkal vagy betűkkel együtt. We'll be right back. Voilà, Overdrive maintenant va se terminer, une émission un peu plus courte. Ce soir, on a laissé un peu de temps à Pop Dreams pour faire le best-of de fin d'année et on va se quitter au son de ce des Manen Brothers et de cet album Sober Mal. Encore une fois, une musique folk qui vient du nord de l'Europe. On rappelle le www.radiodio.org, le www.facebook.com/overdrive-radiodio. Les podcasts des émissions hébergés sur la plateforme Mixcloud et bien entendu, encore une fois, le direct, le 21h30 à 23h les samedis pour, encore une fois, de la musique qui pulse tout simplement. Voilà, ça démarrera dans quelques instants dès que la platine voudra bien reprendre. On remercie encore. On devrait avoir notre émission Best of de fin d'année qui devrait encore une fois être organisée dans les prochaines semaines à la rentrée. Donc tenez-vous au courant sur le 895 d'Audio pour retrouver les nouvelles concernant la l'émission. Rust een heilige aard, des priesters koud gebeente, met tranen vocht bedouwd, der schreiende gemeente. Ze mist haar trouwe gids, haar leraar en haar vriend. Al wat christen heet, van God en mens, bemin. Zo achtbaar als geliefd, zo nederig als vrijmoedig, in arbeid onvermoeid, in weldoen overvloedig. Getrouw aan zijn leer, maar dacht men niet als hij. Zijn hart en liet de godsdienst vrij. Zwakheid kon hem ooit in zijn ijver hinderen. Het bleef eraan staan, de leidsman der kinderen. Hij was daar blinden oog, lammen voet en hand. Ware mensen vriend, de vriend van moederland. Hij was als mens, als vriend, als leraar, als christen. Mijn vriend, de vriend en deugd, de vijand van het twisten. Hij schierf in God getroost en wacht het hoogste goed. Vertrouwend op Gods gunst en Jezus of het bloed. Engelen van omhoog, niet rusten stof te graven. Beter leven wacht, beveiligd in de graven. Bewaard het lijk mijn vriends, het als het tarwe graan. Het jongste morgenlicht, voor Heere God zal staan. O leden van Manskerk, vergeet niet zo te leven. Als hij uw leerlingen zelf een voorbeeld heeft gegeven. Stort christen wie gij zijt, een traan op deze zaak. Rust een waardig kind, het algemene. Thank you.